Là, j'enregistre. Putain, mais je suis trop fort en fait. Alors, ah, deuxième homme! Ouais, oh putain, la vache. Ouais. J'ai baissé. Tu me dis quand tu es prêt. Ah, d'accord. Un deuxième homme! Non, mais t'es pas malade, mais tu sais combien ça coûte, cette connerie? Attends, non, c'est pas ça le texte. Attends, je l'avais pas. Non, mais tu sais combien ça me coûte déjà? Ça a saturé à un moment. Normalement, c'est bon, ça a à peine dépassé. Je vais quand même baisser un petit peu. Hop. Oh, oui, je sais, j'ai écouté.